kubariki tous. Bwana Mungu amibariki ninyi wote. Pour vos prières, que le Seigneur vous bénisse tous. Juu ya maombi yenu Bwana Mungu amibariki moyo wote. Tunawezi kusimama. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Tunamisalimia mujina ya Yesu Kristo. Et nous saluons nos frères qui nous suivent en ligne au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia pia banduku banatufata munjia ya internet mujina ya Bwana Yesu Kristo. 1 Corinthiens chapitre 16. Wa Korinto wa kwanza sura 16. À son verset 22. Mustari ya makumi mbili na mbili. Seigneur Dieu, ce soir te disons merci. Bwana Mungu, magharibi ya leo tunasema asante. Merci pour la prière. Asante juu ya maombi. Pour la consécration. Juu ya kujitoa. Ton peuple s'est consacré à toi. Taifa yako ilijitoa kwako. Ils ont exprimé différents problèmes. Banaonesha mambo ya kuachana chana. Et toutes les prières ont été faites au nom de Jésus-Christ. Na maombi yote bariomba mujina Yesu Kristo. Nous te prions ce soir de pouvoir les exaucer. Tunakuomba mangaribi ya leo upate kukubali maombi yako. Connais nos difficultés. Unajua magumu zetu. Connais nos besoins. Unajua mahitaji zetu. Nous sommes un peuple dans les besoins. Tuko taifa yenye kwa nahitaji. Souviens-toi de nous, Seigneur. Utukumbuke Bwana. Bénis ta parole. Ubariki neno lako. Bénis ton peuple. Ubariki taifa yako. Bénis chacun de façon particulière. Ubariki kila moja kwa namna ya upekee. Au nom de Jésus-Christ. Mujina ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Kama mtu asimpende Bwana alaniwe. Maranatha. Maranatha. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Nous prendrons le chapitre de Philippiens, chapitre 3. Utachugua wa Filipo sura 3. Philippiens, chapitre 3. Wa Filipo sura 3. Nous lisons à partir du verset 17. Kuanzia mstari wa 17. Et nous irons jusqu'au verset 21. Tafika na makumi mbili na moja. Soyez tous mes imitateurs. Mwebote mkwe bakunifatirisha. Frères. Banduku. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Na mupate kuangalia kwa bale bote banatembea kwa mfano yetu. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Kwani kuku wa mingi wale weko natembea sawa wa adui ya msalaba ya Kristo. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Bon, mawazo yabo ikupaka kubitu ya padunia. Mais notre cité en nous est dans le ciel. Alakini sisi muji yetu iko ni kumbingu. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mule tunachunga tena sawa Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Qui transformera le corps de notre humiliation? Ule atabadilisha mwili yetu ya kufezereshwa. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Na kuifananisha na mwili ya utukufu yake. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Kupitia uwezo ile konai ya kutishi bitu vyote. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Écoutez cette pensée de cet homme de Dieu. Musikilize wazo ya huyu mtumishi wa Mungu. C'est Paul. Ni Paulo. Il demande aux croyants. Araomba waminifu. Il dit, soyez tous mes imitateurs. Anasema mwebote mkova kunifuatirisha. C'était un véritable serviteur de Dieu. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Il n'était pas celui qui disait. Ashukwe ula alikuwa nasema. Suivez ce que je vous dis. Mufuate bile niku na miambia. Faites ce que je vous dis. Mufanye bile mina miambia. Mais ne suivez pas ce que je fais. Alakini mushifuate bile niku nafanya. Non. Apana. Il était passé par toutes les expériences du salut. Et il était sûr qu'il vivait correctement selon la parole de Dieu. Et il pouvait demander aux croyants de l'imiter. Non seulement lui. Et il dit porter aussi le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul était un véritable serviteur, un véritable exemple pour les hommes de Dieu. Pourquoi il dit ça? Il dit derrière, il y a beaucoup de gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il dit, je vous en ai toujours parlé. Et j'en parle encore maintenant en pleurant. Ils donnent même leur verdict. Il dit, leur fin sera la perdition. La fin de ces gens-là sera la perdition. Pourquoi tu pouvais être perdu? Et en quoi est-ce que ces gens-là étaient ennemis de la croix de Christ? Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils ne s'adressaient pas aux gens du dehors. Ils ne s'adressaient pas aux païens. Ils s'adressaient aux croyants. Aux fidèles. Aux gens qui venaient à l'église. Aux frères qui étaient respectueux. Ils s'adressaient aux sœurs qui étaient respectueuses. Ce n'étaient pas des voleurs. Non. Mais ils s'adressaient aux croyants qui venaient à l'église, qui vivaient à Philippe, comme cette lettre s'adresse aujourd'hui à Cambon. Et nous la lisons au saint que vous êtes. Il dit que ces gens-là sont ennemis de la croix de Christ. Et leur fin sera la perdition. En quoi est-ce qu'ils étaient ennemis de la croix? Dans le verset 19, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ça le problème. Ils ont pour Dieu leur ventre. Comment expliquer que leur Dieu pouvait devenir leur ventre? Leur ventre pouvait devenir leur Dieu. Tout ce que l'homme fait sur la terre, il le fait pour le ventre. Est-ce que nous sommes d'accord? Toutes les transactions que nous voyons, toutes les activités que nous voyons, tout ce que vous faites dans la chair, tous les voyages que vous pouvez faire, au finish, c'est pour le ventre. Tout simplement. Même si vous devenez ministre, la raison principale, c'est pour le ventre. Si vous devenez ingénieur, la raison principale, c'est le ventre. Tout ce que vous pouvez entreprendre, c'est pour le ventre. Mais nous devons faire attention. Il ne faut pas que le ventre devienne notre Dieu. L'homme travaille. Nous travaillons pour vivre. Mais nous ne vivons pas pour le travail. Est-ce que nous voyons la chose là-bas? Quand tu vis pour le travail, quand le ventre préoccupe toute ta vie, toute ta vie est préoccupée par le ventre. Là, le ventre devient ton Dieu. Et là, tu deviens ennemi de la croix. Ce que vous faites, Si ça te préoccupe seulement pour le ventre, le ventre prend la première place dans ta vie, ça devient très dangereux. Très dangereux. Et même pour les hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu travaillent seulement pour le ventre, ils marchent en ennemi de la croix. Vous devez savoir que la vie d'un croyant doit être équilibrée. La première chose que nous devons mettre dans notre vie, c'est Dieu. C'est sa parole. Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Le ventre après. Le travail après. Le mariage après. Toute autre préoccupation après. Il faut réaliser dans votre vie que Jésus-Christ doit prendre la première place. Si Jésus-Christ ne prend pas la première place dans ta vie, ça devient très dangereux. Aujourd'hui, ce sont les occupations charnelles qui nous préoccupent. Et nous prenons même tout le temps d'aller voir le pasteur. Pasteur, comprenez, nous avons des problèmes. Nous avons beaucoup d'occupations. Je suis trop chargé. Vous avez un agenda plein d'occupations. Et dans cet agenda, il n'y a pas la place de Dieu. Et vous essayez de faire comprendre cela au pasteur. Le royaume n'appartient pas au pasteur. C'est lui à qui appartient le royaume, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous recommande. Il a droit de la première place dans notre vie. J'ai pris le christianisme traditionnel. Juste pour vous faire voir la pensée que Frère Franck nous donne. À la page 135. Vous irez lire là-bas. Je vous répète ce que Frère Franck nous dit. C'est avec l'expérience de la conversion, du renouvellement et de la nouvelle naissance que commence la marche du disciple avec Jésus-Christ. L'être tout entier est engagé dans cette marche. Tout son être est engagé dans cette marche. En ce qui concerne la marche d'un disciple, beaucoup de passages bibliques pourraient être lus. Pour un disciple, le Seigneur occupe subitement la première place dans sa vie. Pouvez-vous dire amen? Pour un disciple, le Seigneur occupe subitement la première place dans sa vie. Si cela est nécessaire pour le royaume de Dieu, même sa maison, et c'est bien, sa femme, ou son mari, ses frères, ses soeurs, ses parents, ou ses enfants, ses amis, et tout le reste, doivent être laissés en arrière. Amen. Amina. Luc chapitre 18, verset 29. Luca, 18. Vous irez lire cette pensée-là. Mutaenda kusoma iwazo. C'est-à-dire Manaake, que ya kwamba, si seul kama peke yake, de toute une famille, ya jama mzima, cette personne vient à la foi, ule mtu anaamini, il ne peut se laisser retenir par elle, par la famille. Achiezi kuliachilia ashikwe na jamaa. Si dans toute la famille il est seul croyant. Kama mjamaa mzima anaamini yake peke yake. Yake lui qui croit. Paka yeye ndio anaamini. Il ne peut pas se laisser retenir par la famille. Achiezi kuliachilia jamaa imushike. Ni par la société. Wala na kazi. Personne ne peut le retenir. Hakuna mtu wa kumshika. Même pas son oncle. Hata muyomba yake. Même pas son père. Hata baba yake. Personne ne peut le retenir. Hakuna mtu wa kuwezi kumshika. Devenir disciple de Christ. Kisha kuwa mfuasi wa Kristo ne signifie pas que haimaanishi ya kwamba l'on va entrer dans un couvent, utaingia mkuvan, ou dans un ordre religieux, wala mkundi ya wa dini. Non, hapana. Mais lakini, que tout en demeurant dans sa situation familiale, kisha kuendelea tu ukunadumu paka mujama ya enu mulo nekalaka. Mujama ya enu mulo nekalaka. Uku paka vile unekalaka. Utendelea na position ya hapo mulo nekalaka na yumu famii. Ni avec la même position que tu uku mutoto. Tu es un enfant. Uku mwipwa. Tu es un. Uku dada. Tu es soeur. Uku mama. Tu es mère. C'est que tu es dans ta famille. Kile uko mujama yako kile. Ah, ile position na yumu famii yako. La position que tu occupes dans ta famille. Écoutez. Musikilize. Et ta position professionnelle. Na, ile position ya mukazi. Kazi loko na yo. Le travail que tu fais. Le disciple de Christ. Mwanafunzi wa Kristo. Va organiser sa vie. Atatengeneza maisha yake. De chaque jour. Ya kila siku. Conformément à la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. C'est là où il y a mon problème. Ndio pale peko mambo yangu. Quelle que soit ta situation familiale. Aizuru ile kazi kwa kazi kuna mjamaa. Mais non, je suis responsable de la famille. Unaweza kusema mimi. Non, laissez-moi d'abord, vous savez que c'est moi qui suis responsable. Ndio mwenye busika. Quelle que soit ta situation. Ataka mkumwali gani. Tu n'as pas droit d'échapper à cette parole. Hauna na ruhusa ya kuepuka hii neno. Tu n'as pas des excuses. Hauna na masababu. Quelle que soit ta position professionnelle. Ataka kama unatumika kazi gani. Si tu es ingénieur. Ukiwa ingénieur. C'est une bonne chose. Ni kitu mzuri. Mais tu dois savoir organiser ta vie. On n'a pas su kutengeneza maisha yako. Mais pour venir à l'église. Atajua kwa ukanisa. Un croyant ne se retrouve pas à l'église spontanément. Mukristo hawezi kufika tu mkanisa kwa ghafla hivi. Comme par hasard. Sa kwa kubatisha. Ça s'organise. Il n'a pas su kutengeneza. Tu dois organiser le temps. On n'a pas su kuwa na mapu yako. C'est un croyant. Njoo mwaminifu. Il connaît ce qu'il est. Anawe akile eko. Il connaît ce qu'il fait. Anawe kile anafanya. Dans la société. Mukampuni. Dans la famille. Mujamaa. Et kuna panga ba wakati. Il a le plan de. Anayua sema hii muda ni ya kazi. Ateler je vais travailler. Hii muda tajokipe na familia. Hii muda ni ya kuenda kumwabudu Mungu. Ateler otre heure. Desa organize ta vie. Njoo kutengeneza maisha. Organize de manière que. Kupanga. Dieu prenne la première place. Mungu yeye achugue fazi ya kwanza. Amen. Amina. Un croyant ne vit pas en désordre. Mwaminifu haya ekalake kunaishi mfujo hapana. Il a des programmes jusqu'à 21h, mais dans ces programmes, il n'y a pas un temps d'aller à l'église. On a mapu kufika na 21h, ana mona wakati ya kwenda kuabudu. Le jour où il a un temps, bon, que lui-même estime que j'ai maintenant aujourd'hui un temps, c'est aujourd'hui où je vais aller à l'église. Ni siku ile anaona sema leo niko hapo na wakati njote ndo kanisa. Frère, ndugu yangu, faites attention. Usopoke. Tout ce que nous faisons sur la terre, yote tunafanya pa dunia. Ni bia kubakia na ni bia kuoza. Ce sont des choses qui vont rester. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez travailler. Unaweza kutumika. Vous pouvez construire. Unaweza kuyenga. Vous pouvez avoir des biens. Unaweza kuwa na mali. Si Jésus ne prend pas la première place. Kama Yesu achichugue fazi ya kwanza. C'est zéro. Ni bule, ni sifuri. Vous allez vous perdre avec tous ces biens. Utapotea na ile mali yote. C'est vrai. Ndio kweli. On doit faire attention. Tunapaswa kufunga. Un disciple de Jésus-Christ. Mwanafunzi wa Yesu Kristo. Même la Bible. Hata Biblia. Donne une écriture. Inaleta andiko. Qui appuie cette pensée. Ile unahakikisha hii. Nous sommes dans le psaume 119. Mazaburi 119. Le psaume 119. Mazaburi sura 119. Lisons le verset 4. Musari ya ine. Et le verset 5. Na musari ya tano. Tu as prescrit tes ordonnances. Uliandika maagizo yako. Pour qu'on les observe avec soin. Ili wapate kuishika na utaratibu yote. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa inafuata? Tu as prescrit les ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puisse mes actions être bien réglées. Afin que je garde tes statuts. Est-ce que vous pouvez dire amen à cette expression? Ben oui. Dio. La parole de Dieu Neno la Mungu. Elle doit être observée avec soin. Na pasi kuishika mzuri mzuri sana. Les affaires de Dieu, kazi ya Mungu. Nous devons les faire avec soin. Na pasi kuifanya mzuri mzuri. Il y a des frères qui travaillent Kukuma, dans des bureaux ma office, pour le travail. Jia kazi. Il a beaucoup de soins. Ekona, anaishika mzuri sana. Les soins. Il travaille avec soin au service pour être apprécié. Il est réellement apprécié par ses chefs. Madame Tapa quoi, va chef yake. Il est apprécié par ses collaborateurs. Madame Tapa quoi, va jirani ya kazi. Il est apprécié par ses subalternes. Madame Tapa quoi, va mbatu yake ya chini ya kazi. Il travaille avec soin, aspect d'apporter ses kazi. Ah, il ne fait pas gâcher le travail. Parce que le travail là lui procure quelque chose pour les ventes. Mais dans les affaires de Dieu, et qu'on a désordre, il a un grand désordre. C'est un grand danger. Si tu peux prendre avec soin les choses de charnel, pour être apprécié de tes chefs, pour avoir une promotion, dans les choses de Dieu, vous ne prenez pas les choses avec soin. Vous ne savez pas aussi régler les choses. Le temps d'aller prier. Le temps de vous consacrer à Dieu. Le temps d'écouter la parole. Même à la maison. Le temps du culte du soir. Dans des choses pareilles, tu n'y es pas. Mais moment où ma réunion, on coûte très fort. Mais dans les choses de réunion, vous êtes éloquent pour vous parler dans les réunions. Mais à la maison. Et si vous pouvez aussi diriger la prière. Une petite exhortation. Oh, mes chers frères, la parole de Dieu nous recommande ce soir. Chacun doit organiser sa vie. Qu'organiser maisha yako. Kupanga maisha yako. Mu famille yako. Dans ta famille. Mu nyumba yako. Dans ta maison. Mu maisha yako. Dans toute ta vie. Unapaswa kupanga vitu namna mzuri. Organiser les choses. Unajua kazi gani unafanyaka. Connaissez que tu fais comme travail. Panga mabitu namna mzuri. Organiser les choses d'une manière correcte. Mu biote umpatie Mungu fadhi ya kwanza. Mais dans tout cela donne à Dieu la première place. Et Dieu aime comme ça. Na Mungu anapenda vitu mwile na mwana. Ennemis de la croix de Christ. La Bible dit, ces gens-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est seulement les choses de la terre qui les préoccupent tellement. Ils ne s'adonnent pas aux choses de Dieu. Ils ne se consacrent pas aux affaires du royaume. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est comme s'ils iront avec ces choses-là au ciel. Je vous informe ce soir. Tout ce que nous faisons comme travail sur la terre, ça restera sur la terre. Tu ne prendras rien. Nyumba unaweza kuisumbukia sana, unaijenga. Mais unaweza unakufa na kulala kunyewe au lalemo. Tu fais te sacrifier tellement et construire une maison, mais à tel point tu ne vas même pas y dormir. Mais le temps que nous passons ici, lakini wakati tunapitisha hapa, ce n'est pas un temps inutile. Haina wakati ya bure. Ce n'est pas du passe-temps. Haina kupoteza wakati. Ne pensez pas que ces frères et sœurs qui viennent pour la prière, qui se consacrent dans la prière, et n'ont pas des occupations. Non! Ils ont fait un sacrifice. Et je vous dis que ce sacrifice ne sera pas vain. C'est vrai. Aïna boule. Ce n'est pas en vain. Aïta pita boule pana. Ça ne fait pas passer en vain. Les gens qui prient Dieu. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas le temps d'aller travailler. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher l'argent. Mais ils ont mis de côté. Ils ont sacrifié certaines choses. Pour donner un temps au Seigneur. Et Dieu honorera cette foi-là. Mungu ataheshimisha ile imani. Mungu atabariki. Dieu va les bénir. Ana muzalimu hapana. Il n'est pas injuste. Je vous savez kazi ndo unafanya dada. Il est l'œuvre que vous faites ma sœur. Non. Hapana. Ni pas pour ça qu'il est ingrat. Ce sont des gens qui devaient être ingrats. Et dunia. Mais ce monde. Afa une jito wa sana kuitumikia. Quoi que vous vous sacrifiez pour le service. J'ai vu un papa qui travaillait comme policier. Il en a papa Marwan. Il était tout consacré à ce travail. Quoi que vous jito wa sana ku ile kazi. Le jour où il est mort. Si qu'il a likufa. Vous avez la récompense. Mon ami malipo. Que vous aurez. Il n'a pas lorsque vous mourrez, wakati ukikufa, une minute de silence. Dakika tu moya ya kukaa kimya. Et c'est tout. Kukukumbuka kunaishi. Un pauvre papa, il est mort, très pauvre. Vous le papa alikufa maskini. Nous l'avons enterré. Tulimuzika. Sans aucune assistance du gouvernement. Bila msaada hata ya serikali. C'est bon, dit-il. Si dunia ou la société. Pendant que vous êtes un peu fort. Elle peut vous exploiter. Quand tu deviens invalide. Ou le jour où tu fais les AVC. Tu deviens invalide. On te déclasse. Aussitôt, on te remplace par quelqu'un d'autre. Il n'y a même pas de récompense. Si vous avez la force, servez le Seigneur. Dieu vous récompensera. C'est vrai. Ne pensez pas seulement aux choses de la terre. Paul dit ces gens-là qui pensent seulement aux choses de la terre, ce sont les ennemis de la croix. Et pourtant, notre cité n'est pas sur la terre. Muji yetu haina pa dunia. Notre cité. Muji yetu. Ce n'est pas Cambor. Haina Cambor. Jamais. Kamwe. Notre cité. Muji yetu city. Est dans les cieux. Iko kumbingu. Sur la terre. Pa dunia. Tous les véritables croyants sont considérés comme étrangers et voyageurs. Bamirifu bote bakweli bana jona kuwa saba safiri na bakeni. Même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, tous les vrais croyants sont considérés comme voyageurs, comme étrangers. Nous avions dit frère Abraham et tout son groupe étaient considérés comme étrangers. Même quand ils étaient en Canaan, ils n'ont pas construit. Ils habitaient sous des tentes parce qu'ils attendaient. Ils attendaient cette ville-là. Sur la terre, ils étaient des étrangers. Même quand vous lisez notre frère David, dans le psaume 119, Mazaburi 119, lui qui était même un roi sur la terre. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 119, Mazaburi 119, verset 18 et le verset 19. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Ufungule macho yangu ili nipate kuona buzuri wa sheria yako. Ouvre mes yeux. Ufungule macho yangu. Pour que je contemple le merveille de ta loi. Nipate kuangalia buzuri wa sheria yako. Cette loi. Hii sheria. Cette parole. Hii neno. Elle est merveilleuse. Iku ya damani. Dans cette parole. Mui neno. Il y a tous les trésors. Muku azina yote, mali yote. Il y a des richesses insondables. Muku mali ili awezi kuchunguza. Que les yeux ici ne peuvent pas voir. Ile imacho ayezi kuona. La Bible dit. Biblia nasema. Que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ni bitu bile licha ikuone. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Bitu bile sikia ikusikie. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ni bitu bile mutu asikuwaze. Mais ce sont des choses que Dieu nous a révélées. Anaki. Il y a des richesses dans la parole. Toutes les bénédictions sont contenues dans la parole. Et vous êtes là. Les gens vont chercher des gris-gris. Passant à voir le bonheur sur la terre. Il n'y a pas de bonheur sur la terre. Si vous cherchez le bonheur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Mais dites les jours. Oui, agis selon la parole. Ma soeur, Dieu te bénira. Nous, on ne cherche pas des bénédictions comme les dénominationnels. Nous cherchons les donateurs de la parole. Si des dons. Les donateurs de toutes choses. Si nous avons Dieu, nous avons tout avec nous. Nous ne courons pas d'après les bénédictions. Nous cherchons Dieu. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de nous suivre. Oh, mais ça c'est merveilleux. Oh, ni Adamani. À tout le monde. On n'a pas le temps. Il y a quoi dans mes limes? D'aller à la montagne. Nous voulons bariquer. Demandez Dieu, bénis-nous. Dans la parole. Dans Nianeno, où nous nous trouvons. Nous sommes nous-mêmes déjà bénis. Et vous savez. Unajua, la grande bénédiction. Avec laquelle Dieu nous donne. Ce n'est pas la bénédiction matérielle. Quand vous lisez Paul. Paulo, Paul dit. Paulo qu'il soit béni. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, nous avons toutes les bénédictions. Nous avons toutes les bénédictions. Mais il faut que Dieu vous ouvre les yeux. C'est pourquoi David dit, ouvre mes yeux. Pour les contempler. Le merveille de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Voilà les hommes de Dieu. Sur la terre, je suis un étranger. Sur la terre, tu es étranger. À Kambov, tu es étranger. Mon frère, c'est pourquoi nous avons besoin de la parole. À donner ce que nous avons besoin de nous aider. Qui nous montre de quelle manière nous devons nous conduire. Sinon nous serons confondus. Oui. Dio. Si Dieu ne nous montre pas sa parole, nous serons confondus à tout le monde. Na watu wote. Mais avec la parole, alakini, kisha kwa na neno, nous sommes distingués. Tunakuwa venye kwa chanishwa. J'ai marqué différence. Mungu analeta chanisho. Oui. Dio. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 1, mukisoma mu Daniel sura ya kwanza, au verset 8, mstari ya mnane, lisez tous les chapitres même. Musome hata sura ya kwanza. Daniel. Utaona ya kwamba Daniel était un enfant de Dieu. Alikuwa mtoto wa Mungu. Il était un élu. Alikuwa mteule. Il vivait à Babylone. Alikuwa anaishi ku Babeli. Et là à Babylone, il était un étranger. Mule mu Babeli alikuwa mgeni. Il était à Babylone, mais Babylone n'était pas en lui. Alakini Babeli haikuwa ndani yake. C'est vrai. Le chef des eunuques, il exécutait l'ordre donné par le roi, qui consistait à donner à tous ceux qui vivaient dans le palais royal de manger le mets et le vin dont le roi mangeait. Mais ces mets-là étaient sacrifiés aux idoles. Et il ne voulait pas manger de ces mets. C'est pourquoi il a demandé la faveur à ce chef des ennemis. S'il faut trouver grâce. En tout cas, nous ne voulons pas manger quelque chose qui peut nous souiller. Nous te demandons, donne-nous seulement de l'eau à boire à la place du vin. Donne-nous seulement le légume. Place des viandes et des histoires qui étaient sacrifiées aux idoles. Papa dit à Tchaku, yanyama enye kutolea kumasanamu. Et cet homme-là a dit non. Na ule mtu alisema pana pana. Vous n'aurez pas de bonne mine. Hamutakuwa na mwili mzuri. Et quand le roi verra que vous n'aurez pas de bonne mine. Wakati mfalme ataona hamuna na mwili. Vous allez exposer ma tête. Ah, bataniua. Vous voyez? Munaona? Et ces hommes de Dieu ont dit non. Awa watumishi wa Mungu walimwambia pana. Essaye seulement. Utupime tu fais quelque chose là pour essayer. Pime tu kidogo. Donne-nous seulement de légumes. Utupatie pas bia. Et donne-nous de l'eau. Mais nous, ce que nous voulons, mais nous ne voulons pas nous souiller. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne voulons pas faire quelque chose pour pouvoir nous amener à nous souiller. Fais-nous seulement grâce. Et comme ils honoraient les dieux, ils avaient la crainte de Dieu. Dieu. Il voulait respecter Dieu. Mes chers frères, si c'était toi, je ne sais pas. Toi et moi, dans le palais royal, tu dirais peut-être que c'est pas l'occasion de manger n'importe quoi. C'est pas l'occasion. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes, honorez Dieu. Moi, je suis honore Dieu. Comment tu peux t'essuyer à cause du manger? Tu peux t'essuyer à cause de l'argent? Tu peux t'essuyer à cause de l'honneur? Mais là, là cet homme de Dieu, il ne voulait pas s'essuyer. Il était à Babylone. Mais Babylone n'était pas en lui. La loi de l'Éternel était en lui. Et il voulait respecter Dieu, même dans le palais royal. Oh, que je sois loué. C'est pas un enfant de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la promotion, si tu dis à Dieu, tu l'honoreras. Tu honoreras Dieu. Tu vas te considérer comme un étranger. Ah, Dieu. Même si là où tu vas, il y a des vins, il y a des pièces de la croix. Là, tu diras que je suis un enfant de Dieu. Moi, j'ai toujours dit ceci. Mais là, c'est moi qui vous êtes ce que vous êtes réellement. Là où vous vous retrouvez seul. Pas le onapatikana we moya. Là où tu es réellement seul. Quand tu vis à Kambo, tout le monde te connaît. Il y a des frères qui te connaissent. Dans les quatre coins, vous êtes un peu coincé. Tu tournes à droite, il y a des frères qui te voient. Tu vois à droite, à gauche, les diables te regardent. Et il y a quelques frères qui te regardent. Et là, tu essaies de te gêner pour faire quelque chose. Et nous avons ces gens de croyants qui sont parmi nous, qui sont empêchés de faire quelque chose, parce qu'ils regardent à droite, à gauche, derrière et avant, ils voient des gens qui les entourent. Mais quand tu es seul, là tu dois agir réellement selon ce que tu es. Et là, à droite il n'y a personne, à gauche il n'y a personne, devant et derrière tu ne vois personne, mais tu oublieras de voir peut-être de l'autre côté. Si tu peux regarder en haut, tu verras que il y a un œil qui te voit. C'est vrai. Oh, Abanyone. Oh, ne me fais pas. Oui, c'est bon, c'est bon. Nous les humains, on ne te voit pas. Mais il y a un œil qui veille sur chacun. Il voit ce que tu as fait ce matin. Il voit même ce que tu penses faire ce soir. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que nous devons marcher. Tu sais que Dieu me voit. Où t'as m'estimé à Mungu. Tu honoreras. Partout tu te retrouveras. Oui. Dieu. Même Jésus disait. Vous êtes dans le monde. Muko mudunia. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Alakina muna ba mudunia. Vous le croyez? Munamini vile. Jean 17. Yohane sura 17. Vous n'êtes pas de ce monde. Amuna ba mudunia. Vous devez connaître votre identité. Munapashi kujitambulisha mukuba wapi. Jean 17. Yohane sura 17. 14. Mustari ya 14. Je leur ai donné ta parole. Naliwapatia neno lako. Et le monde les haït. Na ba mudunia bana bachupa. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Wani bo abana ba mudunia. Comme moi, je ne suis pas du monde. Paka vile mimi, sina wa mdunia. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Sikuombe ya kwamba watoshe mdunia. Mais de les préserver du mal. Alakini ubate kubakinga na uovu. Jésus a prié pour vous. Yesu alimiombea. Jésus. Yesu. Est-ce que vous croyez ça? Eti munamini cette prière vous concerne. Il a prié. Aliomba. Il connaît que dans le monde il y a la corruption. Anajua sema mudunia muku waribifu. Akambo via la corruption. Mukambo muku waribifu. Et la corruption n'est pas seulement Akambo, elle est partout. Waribifu aina paka mukambo vi fasiote. Partout. Fasiote. Nous avons des frères qui sont même à Hollywood. Tuku na banduku bale beko ataku Hollywood. Où les femmes marchent presque nuit. Il y a des gens qui sont là-bas. Jésus a prié pour eux. Disant que je ne te prie pas de les ôter. Mais de les préserver du mal. Il n'y a pas besoin à Miniville. Il faut croire ainsi. À Miniville. Croyez-les. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Tu n'es pas du monde, mon frère. C'est pourquoi, là où tu travailles, travaille comme un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas des voleurs. S'il y a un groupe de gens qui complotent, tu as cuit ma matière, tu cherches à voler la matière, aïwezikane mutoto ya Mungu ajiretrouve mu ile nkonzi. Ce n'est pas possible pour qu'un enfant de Dieu se retrouve dans ce groupe. Comment on peut te trouver parmi les voleurs? Namna kani watakuta katikati ya benzi. Ukuwache? Tu es quel genre? Où bien de Dieu? Comment tu commences à être un voleur? Dans les groupes de voleurs. Là où aussi tu te retrouves là-bas. Non. Apana. Même Mukaji, même au service, ma collègue benyewe, tes collègues, même, pas ça que tu as ils doivent savoir Ouyou, que celui-ci, nous Christo, c'est un chrétien. On n'avait pas avant qu'il y ait abordé Muntu. Savez-vous avant d'avoir intéressé Mambo Flani. De l'intéresser ici. Si Mambo ne m'ouvre le Muntu de Kagati. Faut d'abord connaître ce qu'il est. Comment vas-tu les commander? Qu'on intéressé Mambo et venir mon compte à la mouche. De m'intéresser de m'infiltrer dans les groupes de voleurs. Nous ne sommes pas du monde. Atuna wa mudunia. Atuna badunia. Nous ne sommes pas du monde. Atakama tuna kotola kotolaka. Même si nous branchons. Mais nous ne sommes pas du monde. Alakini atuna wa mudunia. Nous n'avons pas la vie du péché. Atuna na maisha ya zambi. Kukotola dio. Branché oui. Muntu tuna kotolaka. Toute personne. Mais la vie du péché. Maisha ya zambi. Aina maisha ya mtoto ya Mungu. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Jamais. Kamwe. 1 Pierre chapitre 2. Petro wa kwanza sura mbili. En Pierre. Petro wa kwanza. Écoutez ce que Jacques Pierre nous exhorte, c'est dit. Qui est, au verset 11. Bien-aimé. Wapendwa. Je vous exhorte. Nami subutisha. Comme étranger. Sawa bakeni. Et voyageur. Na basafiri. Sur la terre. Padunia. À vous abstenir des convoitises charnelles. Mujizuize na matama ya mwili. Qui font la guerre à l'âme. Yenye kukombanisha nafsi. Yenye kukombanisha nafsi. Qui font la guerre à l'âme. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Qui est réellement né de nouveau. Mwenye kweli kweli kuzalika mara ya pili. Ce n'est pas l'extérieur qui tire l'intérieur. Aina kia inje kenye kuwa kia ndani hapa. Ce n'est pas le corps qui tire son âme. Aina mwili yenye kuwa nafsi. Si tu es déjà né de nouveau, kama unashazaliwa mara ya pili, c'est l'intérieur qui tire l'extérieur. Ni kia inje kia ndani ndio kinakokota kia inje. C'est ça la différence. Ndio achanisho. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, mtu mwenye zalika mara ya pili, c'est l'intérieur qui tire l'extérieur. Ni kia ndani ndio kinakokota kia inje. L'homme qui n'est pas encore converti, mtu asipokuamini, c'est l'extérieur ni kia inje qui tire l'intérieur. Kinakokota kia ndani. Kinaongoza. Kinaongoza ulo ndani. Voilà. C'est-à-dire pour lui, ce qui passe à sa vue, kile kina pita macho yake, il doit l'exécuter. Mais un enfant de Dieu, alakini mtoto wa Mungu, il domine l'extérieur anatawala kia inje, par son intérieur. Kupitia wake wa ndani. Parce que son intérieur est déjà converti. Kwani ule wa ndani anaisha kuamini. Il lui dit non. Anasema pana. Il ne peut pas certifier. Hawezi kufanya hivi. Parce qu'il est de Dieu. Juku wa Mungu. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Juku mtoto wa Mungu. Et voilà comment devons marcher. Njo mwile namna tunapasha utendea. Ne vous laissez pas prendre par toute convoitise charnelle. Ushiratire kubebwa na matamaa yote ya mwili. Non, parce que vous n'êtes pas de cette terre. Hapana juu amuna baba dunia. Vous êtes étranger. Muko bakeni. Vous êtes voyageur. Muko basafiri. Et notre cité, na muji yetu, comme la Bible l'a dit, ile Biblia inasema, est dans le ciel. Iko kumbingu. C'est pas notre cité. Jo muji yetu. C'est pourquoi je ne m'empêcherai pas de dire ceci. Jo komana shiwezi ujizuiza kusema. Vous êtes des citoyens célestes. Muko bakaji ba kumbingu. Vous êtes des citoyens des cieux. Muko bakaji ba kumbingu. C'est ça votre identité. Jo kitambulisho yenu kule mlekanaka. Vous êtes un peuple à part. Mko taifa yenu utia pembeni. Oui. Ndio. Pourquoi vous êtes des citoyens des cieux? Jua nini mko bakaji ba kumbingu? Parce que kwani les Congolais ba kongomani sont animés par l'esprit congolais. Bana sukumwa sana na roho ya kingongo. Un américain. Mo Amerika. Il est dirigé par son esprit américain. Haya naongozwa na roho ya kiamerika. Un zambien. Ba Zambia. Il a sur lui l'esprit zambien. Haya kuna roho ya kizambia. Il a sur lui l'esprit Katangé. Mais un enfant de Dieu, il a l'esprit de Christ. Et quand l'esprit de Christ est en nous, nous ne sommes pas ubaguzi ya kikabila. Un croyant n'est pas un tribaliste. Un croyant ne combat pas pour sa tribu. Jamais. Parce que nous croyons que par le sang de Jésus-Christ, Dieu a sauvé les hommes de toutes les tribus, de toutes les, de toutes les nations, par le sang de Christ. Nous avons des frères chinois. Même si nous ne comprenons pas le langage, ils parlent, mais ils louent le Seigneur dans cette langue-là. Un croyant n'est pas un tribaliste. Il n'est pas un nationaliste. Non, il n'est pas un régionaliste. Il est chrétien. En nous, nous avons l'esprit de Christ. Et notre cité, ce n'est pas le Congo, mais c'est la Jérusalem céleste. Je crois que c'est tout là. Et ce que nous attendons, Jésus, quand il vient nous prendre, la Bible dit, il viendra transformer le corps de notre humiliation. Oh, ça sera merveilleux. Le corps que vous avez, mon frère, c'est un corps d'humiliation. Ma soeur, le corps que vous avez ici, c'est un corps d'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore racheté. Ce corps n'est pas encore racheté. Tant que ce corps n'est pas encore racheté, c'est un corps d'humiliation. Qu'importe que vous mangez. Mais c'est un corps d'humiliation. Oh mes frères. Un frère nous avait invité avec une table très longue, très bien garnie. Et il y avait à manger de tout genre. Parce que ce frère-là, c'est un homme qui a beaucoup de moyens. Il a beaucoup de moyens. Mais une chose qui nous a tiqué, de tout ce qu'on a trouvé sur la table, il y avait tous les mets délicieux qu'on pouvait manger, qui coûtaient aussi énormément cher. Pour notre frère, tout ce qui se trouvait sur la table, lui n'en mange pas. Il n'en consomme pas. Parce que son état de santé ne lui permet pas. Et tout ce que lui a droit de manger, il ne mange que les ngombo, moulenda, bila chumvi, non salé, avec un peu de fufu. Nabukali. Il mange les ngombo et les fufu. Anakula paka mulenda na bugali. Wesh, utasema jotakule ya yeshe ba mashikini sana. C'est un frère qui a beaucoup de moyens. Ndukule kona na sana. Yote kumeza awezi kubikulia. Tu jete na table ne pouvait pas les manger. À quoi bon de vivre? Sasa, faida gani ya kuishi? Si on devait vivre seulement pour manger. Mes frères, si tu manges un peu là, c'est une grâce. Je trouve que même les pasteurs mangent quand même, malgré quelques régimes. Mais quand même. Vous êtes Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Tuna wema foi Mungu akuchunge. Nous avons besoin de vous, que Dieu vous garde. Et kuna kulako. Il mange un peu. Il y a des gens qui ne mangent presque pas. Yote batoweke ili awezi kula. Baweke ili awezi kula. Mumaji yote awezi kunywa. Le jus ne peut pas boire. Il n'y a que de l'eau seulement. N'est pas qu'à maji tout. Parce que nous sommes dans des corps d'humiliation. Tukumumwili ya kufezereshwa. ni corps ya humiliation. C'est un corps de humiliation. Et le diable nous humilie dans ce corps. Na shetana na tufezeresha mwimu. Le diable ne peut pas nous humilier dans notre âme. Shetana wezi tufezeresha. Parce que notre âme est déjà sauvée. Mani nafsi yetu yeshokolewa. L'âme est déjà délivrée. Nafsi yeshokombolewa. Et le diable n'a pas le pouvoir. Shetani ana na uwezo. De toucher à l'âme. Ya kugusa ku nafsi. Jamais. Kamwe. Ana na uwezo. Ina pale droit. Même quand la Bible dit. Hata Biblia nasema. Ne croyez pas seulement celui qui a le pouvoir de tuer ce corps. Usiogope ule una uwezo. Mais craignez celui qui a le pouvoir de tuer ce corps et de tuer l'âme. Celui qui a ce pouvoir-là de tuer ton âme, ce n'est même pas le ciré diable. Là, c'est Dieu lui-même. Celui qui est à l'âme n'a pas le droit sur lui. L'âme qui est sauvée. Il ne se voit pas. Il a déjà échappé. Oui. Quand vous connaissez des amis, si tu commets les péchés, vous voulez vous délibérer à une chétane, ce n'est pas Satan, ni ouais, moi, c'est ouais. Toi-même. Est-ce que le diable peut partir en pompe qui m'a comme un goût? Est-ce que le diable peut te si toi-même tu l'as pas accepté, l'alcool de le prendre par force, ni ouais, après on vous l'a dit. Il ne faut pas les calomnier. Ce corps qui n'est pas encore accepté, le diable vient nous humilier par des maladies. Toute maladie vient de Satan. Le diable peut vous infliger une maladie dans votre corps. Tu peux même devenir fou. Mais alakini, si je devenais fou kama nikikuwa mazimu, pendant que je suis déjà sauvé, wakati ile mine shokolewa, c'est fini. Kunaishi. Mite da kumbiko. J'irai au ciel. Vous ne doutez. Mais vous doutez de cela. Si quelqu'un est déjà baptisé du Saint-Esprit, même si le diable le frappait de la police, il commence à ramasser des choses. Et il fait n'importe quoi. Il est déjà sauvé. Et il ira au ciel. Le diable nous humilie dans ses corps. Dans ce corps, quand vous êtes, vous pouvez fondre le même jour et vous devenez méconnaissable le même jour. Tu es devenu méconnaissable. On ne te reconnaît plus qui tu es. C'est l'humiliation. Et le diable peut faire ça. La chétane, tu fais tomber la WC. C'est un corps d'humiliation. C'est pourquoi, pendant que l'AVC n'est pas encore frappé, tu parles encore. Confessez vos péchés. Parce que l'AVC peut te frapper. L'AVC n'est pas encore frappé. Tu n'auras plus à parler. Tu avais des choses à réparer. Tu ne le sauras plus. Ça, c'est au nom de vie. Maintenant, tu commences à parler avec des gestes, on ne les comprend plus. On ne comprend pas. À tout le Wekitu. Pendant que tu parles. Pendant que tu marches. Aïna que tu mets, Dieu, tu ne t'en cas. Non. Ce n'est pas marcher pour te vanter, non. Ni Dieu, tu te n'as pas essayé encore. C'est pour que tu arranges ta vie. Que Dieu nous assiste. Parce que nous vivons dans des corps d'humiliation. Et dans ces corps, il n'y a rien de rassurant. Nous allons sortir, on nous dira que votre frère est tombé là-bas. Et il est paralysé. Oh, on a posa. Kureisha. C'est fini. La cage où l'on s'est gémée, il te s'imamie à parler. Et même l'emploi que tu espérais va s'arrêter. Pendant que les autres priaient ici, bon, tu n'as pas le temps de venir prier. Lorsque tu vas tomber, est-ce que tu seras encore prié? Oh, que Dieu nous assiste, frère. Ne pensez pas que nous avons le temps de faire le prestige sur la terre. Si nous avons le souffle de vie, c'est le temps pour nous de nous examiner. C'est le temps de chercher l'éternel. La Bible dit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve encore. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, pendant qu'il écoute. Parce qu'il y a un jour, un temps, tu voudras le chercher. Et ça sera difficile. Itakuwa ngufu kwako. Nous vivons dans les corps d'humiliation. Et le diable attaque tout le monde. La Bible se considère toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. La fleur tombe quand le vent de l'éternel tape dessus. Certainement c'est ce que nous sommes. Mais une chose qui demeure éternellement, c'est la parole. Tout homme, quoi qu'il soit très renommé, c'est une fleur. Ni maoua, ni fleur. Nous avions des présidents comme Mobutu. Dans ce monde, nous avons dominé ce monde. Les gens comme Hitler avaient dominé le monde. Et frère Branham, comment se joue avec les bats? Branham a facilité. Ce sont des gens qui ont laissé des renommées sur la terre. Mais puissant. Ils étaient bah, ouais, c'était des vainqueurs. Ils ont conquis certaines nations. Ils ont conquis certains royaumes. Mais ils les ont conquis à travers les armes. C'était par la méchanceté. Mais nous avons un homme qui a conquis le monde. Oh, que ce soit loué. Lui n'a pas conquis avec les armes. Non. Il n'a pas conquis par méchanceté. Cet homme de Galilée, lui c'est par amour. Par amour, il a conquis le monde. Et aujourd'hui, sa gloire existe éternellement. Dans l'église de Kambo, nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les louons. Nous les et ce soir, il est ressuscité dans nos cœurs. Et si nous marchons, nous marchons avec assurance, nous marchons croyant que vous les condamnez à tout. Et pour un oiseau, vous pouvez être ma témoignée, oui. Dieu nous a donné les dons de guérison pour un peu nous soulager dans nos maladies. C'est pour cela que nous chassons les démons pendant que nous sommes malades et pour retrouver un peu la bonne santé pour pouvoir continuer à servir le Seigneur. Mais il peut nous guérir aujourd'hui. Demain nous sommes encore frappés par une autre maladie. Et en fin de compte, l'une des maladies nous emportera. Une maladie viendra. Nous viendrons prier et ça sera aussi un messager de la mort. Cette maladie là elle viendra pour t'accompagner. Qui nous ont précédés dans la Bible. Ils savaient que la mort existait. Mais ils croyaient en la résurrection. C'est pourquoi ils marchaient avec assurance. Même devant les grandes épreuves, ils ne craignaient rien. C'est pourquoi un homme comme Job, son corps était déjà totalement criblé par les gars. Et les os étaient même rendus visibles. Après tout ça, il dit que mes paroles soient écrites dans un roc afin qu'on les lise dans les générations futures, afin qu'on les lise jusqu'à Kambo. Même si mon corps est totalement rongé, détruit, et que mes os sont totalement visibles, il n'y a rien à craindre. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et comme Jima, il est vivant. Un jour, siku moja, par les yeux d'un autre. Hapana macho ya mtu mwingine. La foi est individuelle. Imani ni ya upekee. Imani yangu, ma foi, je ne peux partager na mtu mwingine. Je ne peux pas les partager avec quelqu'un d'autre. Il n'existe pas la foi du couple, n'existe pas. Akikana ke imani ya la foi familiale n'existe pas. Imani ya mjamaa inako. Elle n'existe pas. Ça n'existe pas une fois par deux. Mes yeux. Macho yangu. Par les yeux de l'autre. Hapana macho ya mtu mwingine. Mes yeux. Macho yangu. Verront le Rédempteur. Nitamuona mkombozi. Voilà l'espérance que nous devons tout avoir. Tout en étant dans un corps qui est tout à fait d'humiliation. Mwili ya kufezereshwa. Oui, mon frère. Ndiyo. Nous attendons Jésus-Christ. Tunachunga Yesu Christ. Il vient. Et on a kuja. Transformer notre corps. Kugeuza, kubadilisha mwili yetu. Pour nous donner le corps qui est semblable au corps de sa gloire. Ndio kutupatia mwili ya kufanana na mwili ya utukufu yake. Est-ce que vous désirez ce corps là, mon frère? Muna tamani ile mwili ile ndio. Yeye aki prefere ce corps là. Kubale bana tamani ile mwili. Mwili ya utukufu. Le corps de gloire. Donc Yesu Christ le tient. C'est celui que Jésus va nous apporter. Mwili ya kufanana na mwili wake. Le corps semblable à son corps. Dans son corps. Mwili yake. Le corps de résurrection. Mwili ya ufufuko. Le corps de gloire. Mwili utukufu. C'est ce corps-là qui vient nous amener. C'est pourquoi nous préférons que Jésus-Christ vienne. Ça sera un jour glorieux. Il vient. Nous changerons. Et nous partagerons la gloire de la résurrection. Ça sera un jour merveilleux. Ça sera glorieux. Ce jour-là, la vieillesse disparaîtra. Vous qui marchez avec des malaises, même si on a prié sur toi, tu n'es pas guéri. Ne vous en faites pas. Vous changez. Et les yeux mouillés, c'est moi, mouillé. Dites au corps que toi, quoi. Yesu, et mon akouya. Jésus vient. Et mon akouya. Il vient. Oui, il sera délicat. Le corps sera changé. Et tu deviendras jeune. Ou t'as quoi, Kiyana? Jeune. Kiyana. Alors jeune. Basi Kiyana. Avec la santé pleine. Na vienye kwenye. Oh, que tu sois loué. Avec la beauté éternelle. Na burembo wa milele. Ça ne sera pas une beauté fabriquée. Aita kwa burembo. Par les hommes. Par les cosmétiques. Ça sera. La beauté qui vient de la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Maranatha. Maranatha. Il vient bientôt. Et on a kuja sasa hivi. Pale on a kuja. Lorsqu'il vient. Mateso yote itaisha. Toute la souffrance va s'arrêter. Va qui pleurniche sur locataire. Bientôt là on va me dégager. Location ne se coupe la location. Bientôt. Ça ça y vit. Tu n'auras pas de maison. Kama una na nyumba. Bientôt. Ça ça y vit. Tu vas habiter ta maison céleste. C'est kala mu nyumba kwa kumbingu. Ikwako. Elle est là. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atuendeshe. Que Dieu nous aide. Ni bitu bya kweli. Ce sont des choses vraies. Ni bitu biko bya hakika. Ce sont des choses certaines. Ce n'est pas à peu près. Aina sema bya kuwazia. Ajo mbiri mawazo ya mutu. C'est ça ne vient pas de la pensée. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Qui demeure éternellement. Wenye kudumu milele. Oui. Dio. Croyez. Mwamini. Que ce sont des choses vraies. Kwamba ni bitu ya kweli. Et elles arriveront. Na bitafika. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki.